Europe Connexion de Alexandra Badea. Got a touch of the hysteria, while one sip of this, it'll calm your nerves, soothe your hands, it'll even straighten your hair. Tu remplis l'écran de ton iPad de post-it virtuel. Trois couleurs rivalisent. Bleu, jaune, rose. Post-it bleu, les actions à faire pour détruire la réputation du scientifique qui a décrété que vos substances filent le cancer. Post-it jaune, les actions à faire pour que l'étude sur les bienfaits du bio ne donne rien. Post-it rose, les actions à faire pour diffuser vos idées faussées. Type, sauver l'humanité en soutenant les pesticides. Tu vis ta vie en bleu, jaune, rose. Tes post-it virtuels sont partout. Sur ton iPhone, sur ton iPad, sur ton ordinateur portable. Tu les transfères d'une machine à l'autre en fonction du lieu. Et tu contrôles tout de partout. Post-it bleu, détruire la réputation. Tu files le rapport du scientifique à un autre scientifique pour qu'il lui trouve des failles. Post-it jaune, neutraliser le bio. Parmi la liste des chercheurs primés dans le temps par tes clients, tu choisis les plus fiables et tu les fous dans un groupe de recherche qui étudiera les bienfaits du bio. Post-it rose, diffusez vos idées. Tu organises un grand événement. Ça marche à tous les coups. Tu lui donnes un nom bidon. Avenir du monde, les enjeux de demain. Tu trouves un lieu super sympa, quelque part à la mer. Nice. Pourquoi pas? Et tu le programmes sur un week-end prolongé. Vers la fin janvier. Quand tout le monde a envie de se barrer au soleil. Pour faire court, tu leur payes des vacances pour qu'ils écoutent tes inepties. Post-it bleu, tu passes au scanner tout le passé de ton chercheur. Il faut tout savoir. Il faut trouver quelque chose qui traîne dans sa bio. Un plagiat fera l'affaire. Tu embauches alors trois experts qui vont fouiller dans tout ce qu'il a écrit dans sa vie. Post-it jaune, légitime ton groupe de recherche. Comment? Tu ne sais pas encore. Post-it rose, légitime ton événement. Comment? Tu ne sais pas encore. Tu bloques. Panne d'inspiration. T'as épuisé tes idées. Avance sur les dossiers que tu connais. Post-it bleu. Premier résultat. Pas de plagiat. Tu demandes aux experts de vérifier aussi les travaux collectifs. Il a dû co-signer un article quelque part avec un de ses étudiants. Qui a triché un peu. Il ne peut pas tout lire. Post-it bleu. Résultat de la vérification scientifique. Tout est nickel. Là, t'es vraiment dans la merde. Tu commences à stresser. Tu te bourres de caféine et dès que tu fermes les yeux, tu fais des rêves pleins de post-it virtuels. Un matin, quand tu crois que tout est perdu, un mail tombe dans ta boîte. Post-it bleu, plagiat d'un étudiant. C'est flagrant et ton chercheur a co-signé le truc. Enfin. Post-it bleu. Livrez l'histoire à un ami journaliste qui va arranger un bel article. C'est pas beau les étudiants. Et là, tout se débloque. Post-it rose, l'événement sera organisé par un réseau d'étudiants. Ça légitime à fond. Et ça continue. Post-it jaune, l'étude sur le bio sera chapeautée par une université. Tu cherches dans les CV de tes chercheurs primés par l'industrie et tu choisis l'institution qui revient le plus souvent dans leur parcours. Pas besoin de financer, juste mettre leur nom. Ça leur fait grimper la cote de recherche, en plus ça arrange tout le monde, c'est bon. Là, tu peux prendre une pause. Tu éteins ton ordinateur et tu descends au bar d'en bas. Tu te mets en terrasse, tu commandes une pinte et tu regardes les gens. Tu laisses passer le temps et ça te fait du bien. Tu regardes le mec assis à côté et tu te demandes quel est son taux horaire. Il est là avec son chien. Il le regarde tristement. Soudainement, il se met à te parler, comme ça, comme si vous étiez les meilleurs amis du monde. Il a un cancer. Je l'emmène au cabinet. C'est notre dernier café ensemble. On m'a toujours dit que c'est une race disposée au cancer. N'achetez jamais un chien comme ça, vous allez rester seul à la fin. Ça te gêne? Tu ne voulais pas entrer dans son intimité à ce point-là. Tu te lèves et tu pars. Inconsciemment, tu sors ton iPhone et tu marques sur un post-it jaune « Vérifier s'il y a des races de rats disposées au cancer. » Rien n'est laissé au hasard dans ta vie de lobbyiste. Tu souris et tu marques sur un post-it rose, crée un réseau d'étudiants sur trois continents préoccupés par la faim dans le monde. Ils vont voyager, partout pendant un an, et à la fin, ils vont dire à Nice haut et fort, la population du globe ne pourra être nourrie que si la production alimentaire industrielle est intensifiée. Tu vas bien placer ta phrase. Et qui pourra la nier quand elle viendra d'un jeune globe trotteur? Post-it jaune. Dissimuler le financement de l'étude bio par l'industrie des pesticides. Ça c'est simple. Vous passez par les trois structures d'agriculture bio créées par vous-même et ça fera l'affaire. Une étude financée par les concurrents? Rien de plus beau. Rien de plus pertinent. Europe Connexion de Alexandra Badea avec Guillaume Douadi et Pulkeri Gadmer. Musique et création sonore, Diane Korolitch. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Jean-Michel Coqui et Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Chloé Mauduit. Réalisation, Alexandra Badea et Alexandre Planck.